Frédéric s'arrêta forcément à l'entrée de la place. Des groupes en armes l'emplissaient. Des compagnies de la ligne occupaient les rues Saint-Thomas et Fromenteau. Une barricade énorme bouchait la rue de Valois. La fumée qui se balançait à sa crête s'entr'ouvrit, des hommes couraient dessus, en faisant de grands gestes. Ils disparurent. Puis, la fusillade recommença. Le poste y répondait, sans qu'on vît personne à l'intérieur. Ses fenêtres, défendues par des volets de chêne, étaient percées de meurtrières. Et le monument, avec ses deux étages, ses deux ailes, sa fontaine au premier et sa petite porte au milieu, commençait à se moucheter de taches blanches sous le heurt des balles. Son perron de trois marches restait vide. À côté de Frédéric, un homme en bonnet grec et portant une giberne par-dessus sa veste de tricot, se disputait avec une femme coiffée d'un madras. Elle lui disait « Mais reviens donc, reviens donc !»« Laisse-moi tranquille, » répondit le mari. « Tu peux bien surveiller la loge toute seule. »« Citoyen, je vous le demande, est-ce juste ? J'ai fait mon devoir partout, en 1830, en 32, en 34, en 39. Aujourd'hui, on se bat. Il faut que je me batte. Va-t'en. » Et la portière finit par céder à ses remontrances et à celle d'un garde national près d'eux, quadragénaire, dont la figure bonasse était ornée d'un collier de barbe blonde. Il chargeait son arme et tirait, tout en conversant avec Frédéric, aussi tranquille au milieu de l'émeute qu'un horticulteur dans son jardin. Un jeune garçon en serpillière le cajolait pour obtenir des capsules, afin d'utiliser son fusil, une belle carabine de chasse que lui avait donnée, entre guillemets, un monsieur. « Empoigne dans mon dos, » dit le bourgeois. « Efface-toi, tu vas te faire tuer. » Les tambours battaient la charge. Des cris aigus, des hurrahs de triomphe s'élevaient. Un remous continuel faisait osciller la multitude. Frédéric, pris entre deux masses profondes, ne bougeait pas, fasciné d'ailleurs, et s'amusant extrêmement. Les blessés qui tombaient, les morts étendus, n'avaient pas l'air de vrais blessés, de vrais morts. Il lui semblait assister à un spectacle. Au milieu de la houle, par-dessus des têtes, on aperçut un vieillard en habit noir sur un cheval blanc à selle de velours. D'une main, il tenait un rameau vert, de l'autre, un papier, et les secouait avec obstination. Enfin, désespérant de se faire entendre, il se retira. La troupe de ligne avait disparu et les municipaux restaient seuls à défendre le poste. Un flot d'intrépides se rua sur le perron. Ils s'abattirent, d'autres survinrent. Et la porte, ébranlée sous des coups de barre de fer, retentissait. Les municipaux ne cédaient pas. Mais une calèche, bourrée de fouet, et qui brûlait comme une torche géante, fut traînée contre les murs. On apporta vite des fagots, de la paille, un baril d'esprit de vin. Le feu monta le long des pierres. L'édifice se mit à fumer partout, comme une solfatare. Et de larges flammes, au sommet, entre les balustres de la terrasse, s'échappaient avec un bruit strident. Le premier étage du palais royal s'était peuplé de gardes nationaux. De toutes les fenêtres de la place, on tirait. Les balles sifflaient. L'eau de la fontaine crevée se mêlait avec le sang, faisait des flaques par terre. On glissait dans la boue sur des vêtements, des shakos, des armes. Frédéric sentit sous son pied quelque chose de mou. C'était la main d'un sergent, en capote grise, couché, la face dans le ruisseau. Des bandes nouvelles de peuple arrivaient toujours, poussant les combattants sur le poste. La fusillade devenait plus pressée. Les marchands de vin étaient ouverts. On allait de temps à autre y fumer une pipe, boire une chope, puis on retournait se battre. Un chien perdu hurlait. Cela faisait rire.